quel esprit êtes-vous relié? Au mien. À l'esprit de Bottine? Non, au mien. Ça fait saut ce que tu dis. Ah, qu'est-ce que c'est un esprit? Est-ce que c'est un faisceau? C'est ça, c'est un faisceau. Qu'est-ce que c'est un faisceau? C'est un esprit. Bottine. Peux-tu expliquer un peu plus? Oui. Lequel, l'esprit ou le faisceau? On va s'entendre sur le terme avant de commencer. Un faisceau, c'est un rayonnement qui est concentré, qui chemine un peu comme un tube. Un esprit, c'est la perception d'un faisceau fait par une psychologie humaine qui, dans une perception intuitive, va colorer par l'émotion sa perception. C'est-à-dire qu'un faisceau, c'est mécaniquement une substance, une forme énergétique qui est en circulation, qui est dans une phase existentielle, qui existe, qui est présente. Et l'esprit, c'est la coloration spirituelle, la coloration émotive de la perception du faisceau, c'est-à-dire que l'esprit, c'est la personnalisation d'un faisceau. Donc, on attache, on place dans le faisceau d'une intentionnalité, une personnalité, possiblement même une émotivité. Donc, l'esprit serait la vision humaine d'une mécanique non humaine. Lorsqu'une personne parle d'un faisceau, elle parle d'une mécanique énergétique. Lorsqu'une personne parle d'un esprit, elle parle de quelque chose qui devrait avoir de l'émotion, qui devrait avoir de l'intention, donc qui devrait aimer ou haïr l'homme, qui devrait agir ou contre-agir dans l'événementiel de l'homme. L'esprit, c'est donc la même chose que le faisceau, sauf que si on parle de l'esprit, on s'adresse à l'humain, à l'animal humain et à l'humain. Et si on parle d'un faisceau, on s'adresse à l'humain et à l'être humain. Okay, donc, on peut s'entendre pour parler du faisceau, puis on va dire que la version de l'homme qui pourrait être l'esprit, donc on s'entend que c'est la même chose physiquement? C'est la même chose, mais ça n'a pas la même saveur. OK. On parle de quoi? De l'esprit ou du faisceau? On va commencer par l'esprit, puis à un moment donné, on parlera du faisceau. C'est-à-dire que si on parle de l'extra-créationnalité, ou du moins si on parle de limite même de la création, il faut qu'on parle de faisceau, parce qu'on ne peut pas émotiviser ou espritiser le phénomène. Plus on se rapproche du contexte planétaire, plus on peut transposer le terme faisceau en termes d'esprit, pour la simple raison que pour l'ego humain, qui doit comprendre à partir des mémoires archétypales, des mémoires aussi expérientielles, des mémoires d'éducation, les choses neuves, eh bien, dans sa mémoire, il y a beaucoup plus de place pour le mot esprit que pour le mot faisceau en ce qui concerne l'évolution. Donc, si on se rapproche de la compréhension humaine, on devra appliquer le terme esprit. Et si on se rapproche d'une compréhension plus cosmogonique du phénomène créationnel, on pourra parler de faisceau. Okay. Comme on se demande à quel esprit on est relié, ça sous-entend donc que plus qu'un esprit. Exact. Il y en a combien? Dans le contexte planétaire, dans notre galaxie, il y a 14 vaisseaux, un qui est à peine présent, c'est des traces mémorielles qu'il a laissées à travers sa résorption, donc à travers sa fusion. Lequel? Il y a le faisceau nazaréen, le faisceau christique, l'énergie christique. Quoique l'énergie christique est un terme qui désigne habituellement la majorité des faisceaux avant leur pénétration dans le contexte astral planétaire, donc avant leur pénétration dans la mémoire collective de notre monde. Dans le monde de la mort, dans le ciel. Avant la pénétration dans le ciel, cela porte un terme qu'on appelle l'énergie christique, antiquement appelé aussi Esprit Saint. Et dans un terme alchimique, on peut donc parler de Christ en ce qui concerne une énergie de faisceau. Lorsque ça pénètre le contexte de notre monde astral, donc le contexte du ciel, le contexte du monde de la mort, la psychologie planétaire collective, c'est coloré. Et il y a un terme plus ajusté par rapport à chacun des faisceaux, donc à chacune des réactions entre le faisceau et le monde de la mort, donc entre les colorations. Et ce 14e faisceau est donc un faisceau nazaréen qui a été exprimé surtout par Jésus, le fils de Joseph, et qui par la suite a été résorbé lorsque le nazaréen a été redivisé sur la croix et lorsque le faisceau christique nazaréen s'est retiré. Résorbé, ça veut dire qu'il a repris le faisceau? Il est parti avec? Voilà. Il est parti où? Il est parti où? Nulle part. Sans être précis. Mais c'est sûr que si on part du contexte planétaire, on peut dire qu'il est parti à l'extérieur du monde de notre système solaire. Il est parti dans la galaxie. Mais la galaxie, elle est nulle part dans la création. Il n'y a pas de coordonnées géospatiales pour situer une galaxie, sauf si on la situe à partir d'une autre galaxie. Et le faisceau christique a aussi laissé des traces mémorielles dans la galaxie, dans l'énergie supramentale, et il s'est retiré de la galaxie pour gagner l'univers. Il s'est retiré de l'univers pour gagner le super-univers. Et il est présentement en attente dans ce système. Bon, c'est intéressant. Donc, il est encore là. Là. En quelque part, mais là. Là. Mais il n'est plus ici. Non. Donc, il n'est pas disparu. La trace immémoriale est restée. Sauf qu'il n'est pas près de la Terre. C'est ça. La seule trace qui reste, c'est une trace qui est ascendante au niveau du Christ. Ça peut être l'Église catholique romaine, ça peut être un paquet d'autres sectes qui sont tributaires de cette religion. Alors, ce sont des traces énergétiques reliées à ce faisceau. Si on détruit l'Église catholique romaine, on absorbe donc de l'énergie du faisceau du Christ. Mais tant que cette Église est existentielle, donc elle est supportée par l'énergie du Christ, donc par l'énergie mémorielle, ça va de soi, cette énergie ne sert à rien. Si tu prends du bois, il y a de l'énergie dans le bois, il y a énormément de calories. Mais si tu brûles le bois, tu auras les calories. Si tu gardes le bois, tu n'auras pas de calories. Alors, il y a énormément de traditions archétypales qui conservent encore de l'énergie de certains faisceaux. Il y a eu un 15e faisceau dans l'Antiquité qui s'est résorbé aussi, il y a cela très très longtemps, et il y a encore des traces archétypales aujourd'hui. Tant que les structures sont bâties à même ces traces énergétiques, cette énergie ne sert à rien d'autre qu'à maintenir une forme. Cette forme est une forme archétypale, une forme théologique, une forme religieuse. Donc, une façon de libérer l'énergie, c'est de détruire l'élément qui la contient? Exact. Tout le temps. Si tu veux manger une pomme, eh bien, pour prendre l'énergie de la pomme, tu dois digérer la pomme, il n'y a plus de pomme après. Enfin, habituellement. Est-ce que l'énergie, comme ça... Tu sais quoi faire quand tu manges une pomme, puis tu vas aux toilettes, puis il sort une pomme? Tu manges un poulet, il sort un poulet. Ça m'est même arrivé. Mange la... Ça replace. Quand tu vas aux toilettes, il va sortir ce qu'il faut. Bon. Je n'avais jamais pensé, parce que je n'ai jamais mangé de pomme. Ah. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Les faisceaux sont reliés, on pense qu'ils sont reliés à l'humain. Est-ce qu'on est correct de penser ça? Ou? Non. Ils ne sont pas reliés à l'humain. Ils sont reliés à qui ou à quoi? À rien. Notre esprit, on pense qu'on a un esprit dans notre corps. Est-ce qu'il est relié à un de ces faisceaux-là? On prend le terme relié. Non. Un faisceau ou un esprit n'est relié à rien. Est-ce qu'on a de la matière en nous, de l'énergie qui vient de ces faisceaux-là? Oui. Parce que si on parle à quel esprit êtes-vous relié, donc le terme relié n'est pas bon. Non. OK, c'est vrai. Ça règle le problème. On a... Regarde. Si je dis ma main est reliée à mon bras, mais c'est dans l'onde de forme, dans le visuel, que je décide que par le poignet, ma main est reliée à mon bras. Mais si je prends un morceau de bois, un bâton, quelle est la partie reliée à l'autre? Les deux. Il n'y en a pas. Alors, si tu regardes une vitre, quelle partie de la vitre est reliée à l'autre partie? Tu peux décider que c'est n'importe où. En réalité, il n'y a pas de reliage. Pourquoi? Parce que c'est le même élément. Alors, l'humain n'est pas relié à un faisceau, l'humain est le faisceau. L'humain n'est pas relié à de l'esprit, il est l'esprit. Mais quelle coloration a cet esprit? Quelle implication planétaire a cet esprit? Quelle possibilité, quelle limitation a cet esprit? Du point de vue de l'ego, on peut dire à quel esprit de vous relier. Mais tu m'as pas demandé si l'ego était relié, mais l'homme, non, l'homme, c'est l'esprit. Il habite un corps physique qui est aussi relié à un faisceau, qui a un faisceau, autrement dit. Il habite un corps physique aussi habité par un virus qu'on appelle l'âme, qui possède totalement le corps. Alors, il n'y a pas de reliage réel. Nous sommes esprit. Nous sommes esprit, mais nous ne sommes pas tous du même faisceau. Non. Quelle différence y a-t-il d'être lié à un ou à être un de ces faisceaux-là ou à être l'autre de ces faisceaux-là? Est-ce que ces faisceaux-là ont tous la même puissance, la même énergie? Non. Non, il y a des faisceaux qui sont beaucoup plus expérimentés dans le contexte de notre planète. C'est-à-dire que si on se réfère à quelques années en arrière, disons allant à moins 14 milliards d'années, on peut observer une création explosive, expansive de l'univers. À travers certains contextes de guerre, c'est-à-dire de heurts, il y a des mécanismes énergétiques qui se heurtent les uns contre les autres, et se heurtant, ils vont annihiler leur mouvement de déplacement. Annihilant leur mouvement de déplacement, ils consomment de l'énergie. Consumant de l'énergie, ils transposent l'énergie en lumière, transposent l'énergie en rayonnement, rayonnement ionisant ou autre forme de rayonnement. Et lentement, ils se densifient, c'est-à-dire qu'ils ralentissent leur point énergétique, leur point vibratoire à un point tel qu'ils se densifient, se fusionnent. Une fois densifiés, ils vont se fusionner. Se fusionnant, ils vont cumuler en eux le peu d'énergie qui leur reste et ils vont engendrer des masses. Ces masses vont engendrer lentement un système gravitationnel, c'est-à-dire que ces masses vont attirer vers eux de l'énergie perdue dans le but de se relancer. Mais étant donné que chaque structure qui n'est pas encore atomique mais subatomique à l'époque est en heurte un contre l'autre, Ils s'épuisent lentement et deviennent ce qu'on peut appeler de la matière. En réalité, ça devient de la matière subatomique. Lentement, ça pourra créer le système atomique, le système moléculaire, finalement le système formique qu'on connaît, la matière. Le Soleil, lentement les planètes, etc. Ces systèmes vont premièrement être... vont créer un contexte qui va courber, c'est-à-dire qui va attirer vers eux le déplacement même de leur propre rayonnement, on peut dire, qui va attirer vers eux le temps et l'espace, donc qui va courber le temps et l'espace. En fonction de cela, il y aura certaines particularités dans la création qui seront engendrées, dont qu'on pourra nommer univers ou super-univers. Dans les super-univers, la guerre va continuer, c'est-à-dire l'appui autonome et les uns sur les autres des mécanismes énergétiques sont en expansion, qui se heurtent. C'est comme si on avait un paquet de billes de billard sur une table. Si chaque bille peut partir n'importe où à la vitesse de 100 km à l'heure, étant donné qu'elles vont heurter des parois. Dans l'univers, tu ne heurtes pas de parois. Quand tu arrives sur l'extrémité d'une paroi, tu es immédiatement à l'autre côté. Mais prenons quand même notre table de billard. Les billes vont se frapper régulièrement, les boules, et à la longue, à force de se frapper, ils vont perdre de l'énergie. Ils vont s'échauffer. Alors, l'énergie cinétique va être transformée en énergie calorique. Donc, ils vont se réchauffer, ils vont ralentir jusqu'à un point où il n'y aura plus de mouvement. Ce point sans mouvement apparent, il reste encore des mouvements. Pourquoi? Parce qu'il y a suffisamment d'espace libre dans une structure atomique. Donc, il y a... Si nous considérons que le Soleil est un noyau atomique et que l'électron le plus proche serait une planète, elle serait au-delà de l'orbite de Pluton. C'est l'espace qu'il y a. L'espace au niveau atomique est extraordinaire par rapport à la grandeur, évidemment, des particules. Alors, lentement, ça s'est ralenti, jusqu'à engendrer des mécanicités qui ont courbé le temps et l'espace, engendrant la gravitation. La gravitation crée les mondes, comme nous les connaissons ici. On peut penser que dans le reste de la création, les mondes sont similaires aux nôtres, mais c'est relativement faux. Et dans le monde actuel, il y a... un monde qui est créé, il y a plusieurs mondes qui sont refroidis, qui vont être créés, qui vont devenir une substance matérielle. Ça prend un laps de temps intéressant qui va durer quelques milliards d'années. Lorsque cela est arrivé, les mécanicités énergétiques qui se sont heurtées les unes contre les autres et qui se sont fusionnées les unes aux autres pour engendrer des mondes différents, vont engendrer premièrement des contextes atomiques différents. Cela va faire en sorte qu'à un moment donné, on aura une structure atomique et moléculaire planétaire, dépendant des planètes ou lunaires ou solaires, qui ne sera pas la même. Qui ressemblera, mais qui ne sera pas la même. Et à travers cela, il y aura ralentissement de coloration, c'est-à-dire ralentissement de mémoire expérientielle, des mémoires créées par l'expérience spatio-temporelle de la création des planètes. C'est un petit peu compliqué. Je résume un peu plus. Voilà. Ce qui arrive, c'est qu'à travers la création de certains phénomènes universels, galactiques et solaires, donc des systèmes solaires, il y a de l'expérience. Cette expérience, c'est toute l'énergie qui a été libérée par la création de la matière. Cette énergie, si tu prends de l'eau et tu la refroidis en glace, tu libéreras de la chaleur pour que la glace soit froide. Si la glace veut se réchauffer, elle devra absorber de la chaleur. Cette libération de chaleur, cette chaleur en liberté, devient ce que nous appellerons des faisceaux de l'esprit. À travers cet esprit, dépendant de ce qui a été retenu dans la création d'un système galactique, universel galactique ou solaire ou planétaire, à travers ce qui est retenu, il y aura une quantité d'énergie, une qualité d'énergie qui sera rejetée, qui sera différente. Donc, on aura ce qu'on peut appeler ésotériquement des couleurs d'énergie, c'est-à-dire des perceptions astrales de déplacement énergétique. La couleur rouge vibre à une vitesse qui est différente de la couleur bleue. C'est une question de rapidité vibratoire qui engendre la perception de couleur. Ça n'a pas de couleur de par elle-même, mais la vitesse de vibration engendre chez un observateur une mécanicité biologique ou physique qui engendre la perception de la couleur. Alors, il y aura donc une coloration, c'est-à-dire qu'il y aura une qualité différente de résidus énergétiques ou supra-énergétiques, et c'est que ces résidus vont être ce que nous allons appeler des faisceaux de l'esprit. Lorsque cela est arrivé, il y a eu énormément de planètes, il y a eu le Soleil, il y a eu des lunes, il y a eu des planètes, il y a eu d'autres résidus à travers les systèmes solaires habités, à travers les galaxies, et cela engendre différentes colorations. Dans le contexte extrêmement refroidi dans lequel orbite notre planète, dans lequel vit notre système humanitaire, il y a plusieurs sortes de faisceaux, dont 13 majeurs. C'est-à-dire qu'il y a 13 colorations mémorielles de l'expérience de la création de notre région cosmique, et ces 13 mémoires deviennent donc 13 faisceaux. C'est-à-dire que ce qui va habiter la matière devient un agglomérat de résidus qui a été rejeté par la densification, le refroidissement des énergies ou des phénomènes supraénergétiques. Autrement dit, lorsque, pour résumer, posons pour simplifier encore un peu, dans d'autres termes, si nous prenons une descente divine, lorsque Dieu descend, une partie de lui devient gelée. Tout ce qui ne peut pas résister, ne peut pas être intégré dans le refroidissement, éclate, s'en va ailleurs. On appelle ça une effusion. Tout ce qui ne peut pas aller dans ce monde est maintenant en liberté. Mais ces choses en liberté vont avoir une tendance à être réattirées par ce qui a été gelé. Et lentement, après un processus d'effusion, on aura un processus de fusion. Après ce que l'archétype appelle une chute, on aura maintenant un redressement. Ou après une évolution, on aura une évolution. Donc, les faisceaux viennent de où? Ils viennent, ce sont des résidus mémoriels d'une densification spatio-temporelle reliée à l'espace-temps. Cela a commencé, nos faisceaux ont commencé à être créationnalisés, donc à être activés, à peu près 14 milliards d'années, c'est-à-dire quelques millions d'années après le début de la création accidentelle, disons, de cet univers, de cette création. Alors, il y a donc différents faisceaux. Différentes colorations, mais ce qui est intéressant de constater, c'est que quand l'être humain se pose la question « À quel faisceau suis-je relié? » Moi, je peux te dire, si tu me poses la question, je peux te dire « Tu es relié au faisceau de ta chaise. » Parce que les objets sont aussi reliés à un faisceau? Exact. La terre est-elle reliée à un faisceau? Oui. La mer? Oui. Au même? Non. Pourquoi? Parce que. C'est une bonne raison? Ben oui. On cherche l'intentionnalité, mais non, c'est parce que. Il n'y a pas d'intention. Mais il y a pas c'est un résidu différent, c'est une expérience différente du point de vue atomique. Les différences dans les différents matériaux, mm-hmm. les différentes matières, viennent-elles du fait qu'elles sont reliées à un différent oui, faisceau? Oui, chaque matière est colorée, il peut y avoir des fusions de faisceaux dans la matière. C'est tellement densifié que la matière n'arrive plus à se libérer. Mais la matière, elle est correspondante à certaines formes, de faisceaux. Ce qui est intéressant de constater, c'est que l'être humain a toujours pensé qu'il avait été créé par Dieu et qu'à un moment donné, les archétypes, donc j'explique cela, les archétypes sont les vieilles formes qui viennent du passé et que l'on retrouve un peu dans la psychologie de presque tous les peuples de la planète. Même si ces peuples ne se sont pas côtoyés, ils envisagent le monde similairement de la même façon. C'est ce qu'on appelle un archétype. L'homme nouveau, la femme nouvelle, l'enfant nouveau va créer des néotypes, de nouvelles formes dans sa structure psychologique pour arriver à permettre à son ego, à son âme, pour lui permettre de mieux supporter l'intervention extraterrestre supramentale, l'intelligence supramentale, parce qu'à un moment donné, l'intelligence supramentale va s'exprimer à l'intérieur de l'homme en fonction de réussite, en fonction d'efficacité, en fonction de succès. Et comme l'ego est créé à partir de vieilles formes et de mémoires expérientielles à travers l'humanité, confronté à des perceptions mentales ou supramentales, donc théologiques ou cartésiennes, d'un succès qui ne vient jamais, l'ego est habitué à se percevoir comme étant médiocre. Néotypant, donc donnant de nouvelles formes à l'ego, lentement, l'homme, la femme et l'enfant vont pouvoir se redresser pour cesser de penser qu'ils sont les serviteurs des dieux, mais pour finir par comprendre que les dieux doivent être les serviteurs de l'homme. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a eu une chute, si on veut prendre le terme théologique de chute. À un moment donné, l'homme a été effusé, c'est-à-dire que l'énergie qui a été bloquée à un niveau vibratoire humain, animal ou végétal ou minéral, mais on parle de l'humain, cette énergie-là, c'est de l'énergie divine. On parle dans certains livres philosophiques que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, alors que archétypalement, l'homme a créé Dieu à l'image de l'homme et à la ressemblance de l'homme. À la ressemblance physique. Oui, et même psychologique, émotive. Les dieux étaient de colère, les dieux se battaient dans le ciel, les dieux avaient de la jalousie, les dieux avaient de la haine, on créait des demi-dieux. C'est le mélange entre les énergies fusionnelles et les énergies fusionnelles de l'homme. Mais si on est une énergie reliée, pas reliée, mais on est l'esprit ou le faisceau, on est une partie de ce faisceau-là, et que Dieu est aussi une partie de ce faisceau-là, où est ce faisceau-là? On est donc à l'image de Dieu? C'est qu'on est à l'image de Dieu. Il faut faire attention, le terme image est un terme émotif, un terme théologique, un terme spirituel relativement dangereux. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a effectivement eu une chute. Imaginons que nous sommes quelque chose d'énergie, nous sommes une pomme ou nous sommes une prune. Il y a une chute, une descente d'énergie, et à un moment donné, il y a des mécanismes énergétiques qui ne peuvent pas descendre plus bas. Alors le reste l'emporte, continue à descendre la structure, et à un moment donné, il y a un éclatement, une désagrégation de la structure. Le noyau veut descendre, il sort. Et ça continue à descendre, ça s'effrite et ça devient de la matière. Et cette matière-là ne peut pas aller plus bas. C'est le plus bas. Ne pouvant aller plus bas, elle va maintenant accumuler ce qui descend et elle va attirer ce qui descend et elle va recommencer en têtant ce qui est plus haut, en puisant la même énergie de ce qui est plus haut, elle va recommencer maintenant à se réchauffer. Se réchauffant, dans les termes théologiques, on appelle cela de l'évolution. On a toujours expliqué que l'homme avait eu une chute et que l'homme maintenant prie en Dieu, se nourrissant des privilèges et des avantages de certains dieux. Il pouvait avoir un contact avec Dieu, contact de lumière, et il pouvait évoluer. J'ai expliqué à travers plusieurs conférences que les dieux têtaient l'homme. Que les dieux s'abreuvaient de l'énergie de l'homme à même leur système émotif, à même leur système endocrinien. Que toute la vie de l'homme était basée sur le fait de vivre un haut et un bas, un haut et un bas. Tu es heureux, trop heureux, tu t'habitues dessus, tu sécrètes plus, tu n'émotivises plus, on te casse la gueule, tu te mets à brailler, tu te mets à crier, tu souffres, là tu sécrètes, tu mets de l'émotion. Quand tu as souffert trop longtemps, tu finis par t'habituer, alors on te fait souffrir un peu plus, ou on te donne un peu de bonheur, tu recommences et ça nourrit les dieux. Une prière fonctionne mieux si tu as fait pénitence. Parce que tu as sécrété. Tu te prives, tu souffres. Le riche qui donne 25$ à quelqu'un qui en a besoin, ça ne nourrit pas les dieux. Le pauvre qui donne 25$, ça nourrit les dieux, parce que lui, il se prive, lui, il ne mangera peut-être pas. Alors, c'est mieux. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que toute la structure théologique qui anime la phase astrale de l'évolution de notre planète actuellement est une structure hautement divine, en ce sens que c'est relié à ce que l'humain appelle les dieux. Mais les dieux sont la partie. Quand l'humain dit, consciemment ou inconsciemment, que Dieu se trouve dans la plante, Dieu se trouve dans la rose, Dieu se trouve dans l'oiseau. Maintenant, on va cesser d'émotiviser et on va dire « Dieu se trouve dans le chien. Dieu se trouve dans les excréments. » Ah oui, c'est la même chose. On préfère prendre l'oiseau et la rose, mais si on veut parler de ça, on peut parler aussi de « Dieu se trouve dans le sumac vénéneux, l'herbe à puce. » Ben oui. Bon. Mais quand l'humain dit cela, « Dieu se trouve dans le soleil, Dieu se trouve dans l'air que l'on respire », c'est vrai, c'est réel. Tant qu'il n'est pas pollué, c'est vrai. Ah, même pollué, même pollué. Dieu a des problèmes de digestion. L'air est pollué. Bon, c'est vrai. Alors, Dieu, est-ce que Dieu se trouve dans l'homme? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas là. Mais il est dans tout le reste? Non, il est dans beaucoup de choses. Il est dans la table, il est dans l'eau, il est dans le verre d'eau. Il est dans tes vêtements. Il est dans tes cheveux. Est-ce qu'il est dans le corps physique de l'homme? Absolument. Mais pas dans l'homme. Alors, le corps physique, c'est Dieu. La plante, c'est Dieu. Même en plastique, c'est Dieu. Quand tu manges une pomme, tu manges Dieu, oui. Est-ce que c'est grave? Non, c'est Dieu qui mange Dieu. Pas de problème. C'est correct. Ça va. Mais quand nous recherchons Dieu dans l'homme, nous le recherchons où il n'y est pas. Parce que Dieu, c'est la structure énergétique qui a subi la plus grande effusion. Donc, c'est celle qui est allée le plus bas? Oui. C'est ce qui est allé le plus bas. Au niveau espritique, nous ne sommes pas reliés à des faisceaux divins, dans le sens Dieu, dans le sens théologique. Divin peut-être dans le sens ésotérique. Parce qu'à un moment donné, l'humain prend un mot et puis il l'applique à toutes les sauces. Mais c'est dangereux. Si je dis « prends du poivre de Cayenne pour sucrer ton gâteau », ben si le poivre de Cayenne, tu l'appliques à 25 sortes d'épices, il y a des chances, à un moment donné, que le gâteau ne soit pas bon. Enfin, pas au goût de tout le monde. Alors, il y a eu dans cette effusion, dans cette descente d'énergie, il y a eu quelque chose qui est descendu dans ce qu'il y avait de plus bas. C'est Dieu. Ça l'a créé la terre, pas le choix. Ça l'a créé l'eau, pas le choix. Ça l'a créé l'air, pas le choix. Ça l'a créé les animaux, les corps physiques, pas le choix. Ça l'a même créé les corps physiques humains, pas le choix. Mais ça n'a pas habité l'homme. Si ça l'aurait habité l'homme dans la puissance intentionnelle qu'on lui donne, l'homme ne serait pas obligé aujourd'hui de prendre l'autobus, l'avion, le métro, puis ces conneries-là. Non. Ça l'a créé tout cela, et ça s'est arrêté là. Maintenant, Dieu a été habité par de l'intelligence supérieure à l'idée au phénomène créationnel, disons, divin. Et ce qui l'habite, c'est l'homme. C'est l'esprit. L'esprit de Dieu plana au-dessus des eaux. On mélange. C'est l'esprit de l'homme, pas l'esprit de Dieu. Mais tant que l'être humain s'identifie à son corps physique, nécessairement que l'homme devient Dieu. Alors, ce n'est plus l'esprit de l'homme si l'homme est le corps. Si l'homme est le corps physique, c'est l'esprit qui plane, c'est un esprit supérieur. Étant donné que l'homme se prend pour le corps, il prendra donc l'esprit pour Dieu. Mais étant donné que le corps, c'est Dieu, l'esprit qui plane, c'est l'homme. Alors, si tu manges une pomme, il y a Dieu dedans. Oui. Toi, il y a Dieu dans ton corps. Ton corps est Dieu. Il est divin. Il est parfait autant qu'un corps parfait comme le tien peut être parfait. Maintenant, qu'est-ce qui habite le corps? C'est de l'esprit. Et ça, ce n'est pas Dieu. Les ondes, la vibration de cet esprit-là est supérieure à la vibration divine? Absolument. Mais nécessairement, le divin dans le corps contrôle le corps beaucoup plus que ton esprit. Parce que le corps étant Dieu, nécessairement Dieu le contrôle. Dieu peut te donner la vie, t'ôter la vie, peut te rendre malade, te donner la santé. Mais ce qu'il fait de plus, c'est qu'il veut évoluer. Il veut se réchauffer. C'est donc absolument logique, intelligent, que Dieu fasse tout pour que l'homme le nourrisse énergétiquement. Par la prière, par l'abstinence, par la pénitence, par la sécrétion endocrinienne, donc par l'expression émotive, par le corps physique. Alors, toute l'expression astrale, on l'a vu dans plusieurs conférences, se fait par le système endocrinien. Tu as peur, ton cœur s'accélère, tu transpires, tu sécrètes physiquement. Tu nourris Dieu. Et on a vu aussi dans la mécanicité de cellularisation que plus le corps physique vivait de sécrétion hormonale, plus il s'endurcissait et plus il évoluait. Et quand le corps physique devient plus solide à la réaction émotive, il devient plus solide aussi à supporter de l'énergie. Donc, il devient plus solide à évoluer. Mais est-ce qu'il évolue pour Dieu ou pour lui? Quand il évolue? Il évolue. Et qui ça sert le mieux, son esprit ou Dieu? Tout le monde. Ni un, ni plus, ni, tout le monde. Ni plus ou moins. Même si c'est plus ou moins, ça n'a aucune importance. De toute façon, c'est comme ça. Mais est-ce que l'homme en évoluant comme ça, l'esprit qui habite l'homme, évoluant, faisant évoluer son corps physique, est-ce qu'il lui ne s'en va pas en période de refroidissement? Il dépense son énergie pour servir bon, son corps. Premièrement, le phénomène espritique, quand on parle de faisceau, le faisceau est prisonnier. Quand on demande, bon, le Christ, Dieu a donné son fils unique. Quoi, je ne sais pas avec qui a eu son fils. Une question comme ça. Bon, Dieu a donné son fils unique. Mais ce fils unique ne pouvait pas s'en aller quand il voulait. Il était pris par des prophéties. En réalité, il était pris par un continuum, pris dans un carcan. Tous les faisceaux spiritiques, même les grands maîtres, ne peuvent pas s'en aller. Ils sont confinés à attendre. Ils sont prisonniers. Ils attendent quoi? Ah, ils attendent la fin de l'inutile. Qu'est-ce qu'ils font? Un faisceau espritique, nous sommes reliés, ou nous sommes ces faisceaux, nous sommes de l'esprit. Mais pourquoi, si nous sommes de l'esprit, pourquoi cet esprit traîne-t-il dans le domaine de la matière? Tout à l'heure, j'ai expliqué, tu dis justement pourquoi l'esprit vient nous rejoindre, elle n'est pas confrontée à évoluer, ça se rapproche du corps physique de l'homme. Oui. Alors pourquoi qu'elle ne s'en va pas? Elle ne peut pas. Étant donné que ce sont des résidus créactivés qui ont été créés par la gestion formatrice d'un système universel d'une galaxie, ou disons simplement d'un système planétaire. Ce sont, tout à l'heure on a vu que lorsque cela s'est créé, il y a eu une création de masse qui a commencé à attirer immédiatement l'énergie qu'elle avait perdue. Prends de l'eau, de la vapeur, refroidis-la par compression par exemple, compresse la vapeur d'eau, tu vas finir par en faire de la glace. Mais si tu arrêtes de compresser, et même si tu n'arrêtes pas de compresser, qu'est-ce que la glace fait? Elle attire de la chaleur. Elle fait tout pour reprendre. Alors, lâche, laisse la glace libre, elle se réchauffe immédiatement. C'est ce qui arrive avec les systèmes involutifs, ou les systèmes évolués, les systèmes refroidis. Étant donné qu'il y a cette courbure spatio-temporelle qui limite tout déplacement à 299 792,5 km à la seconde, la vitesse de lumière, étant donné que ce système est limité à cette vitesse, qui est une vitesse extrêmement basse, au-delà, il y a le plan supramental qui va beaucoup plus rapidement, mais dans le contexte luminescent qu'on connaît, c'est la lumière. Moi, c'est cette vitesse, la lumière va plus vite que ça, mais elle ne peut pas aller plus vite que ça, elle est confrontée à une courbure qui la ralentit. Alors, dans ce système, il y a des mécanicités qui ont été emprisonnées dans la courbure spatio-temporelle, en l'occurrence, les faisceaux, l'esprit. Étant donné que c'est emprisonné et que Dieu ne veut que se réchauffer, que l'homme ne peut faire autrement que d'évoluer, ce n'est pas une question de décision, ça, d'évoluer. À un moment donné, on se rend compte qu'on pose des questions, on se rend compte qu'on ne voit plus, ou qu'on voit mieux, qu'on ne comprend plus ou qu'on comprend plus. On le découvre, on le constate, mais on ne le décide pas. Alors, ces faisceaux énergétiques étant emprisonnés, la seule chose qu'ils ont, la seule mécanique qui leur est permis, c'est d'être absorbés. Étant absorbés, ils refroidissent. Ce n'est pas le choix. Mais refroidissant, il réchauffe le corps. Il n'a pas le choix. Réchauffant le corps, ce qui est absorbé dans les années après est absorbé, donc il est refroidi à un degré plus haut, moins refroidi. C'est ce qu'on appelle l'évolution ascendante de l'animal humain, de l'humain et finalement de l'être humain pour parvenir à être, à être. Ces faisceaux sont donc évidemment refroidis par le corps de l'homme, par le contact physique de Dieu avec l'esprit, l'esprit de l'homme. Donc, le corps physique nuit à l'esprit. Si les esprits voulaient jouer un bon tour au bon Dieu, il y aurait juste à quitter tous les corps physiques. Oui, il y aurait juste à quitter tous les corps physiques. La seule chose que c'est qu'ils ne peuvent pas. Quand un esprit quitte le corps physique, la substance énergétique qu'il a accumulée gagne le monde de la mort. Lorsque l'esprit a suffisamment réchauffé le corps physique pour allégoriser le corps physique de son vivant, lorsqu'il y a une mortalité biologique, le phénomène espritique gagne un double éthérique dans le plan moronciel. L'être humain devient immortel. Pas le corps physique. Dieu n'est pas immortel. Mais l'homme, oui. Alors l'homme gagne le monde, l'homme ne gagne plus le monde de la mort, il intègre un double éthérique pour lui permettre une réintégration moléculaire, disons qu'une réincarnation plus tard, d'une façon unitaire, il se rappellera qui il a été, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, l'humain se réincarne fusionnellement, et à un moment donné, il pourra se libérer totalement de la structure matérielle. Lorsque Dieu sera évolué à un point tel qu'il aura été lumineux, Dieu comme corps physique, c'est vrai, et quand le corps physique sera à la hauteur d'un corps de lumière, Dieu sera aussi exprimé en corps de lumière. Mais en attendant, Dieu est de la matière. Mais quand l'homme sera un corps de lumière, qu'est-ce qui arrivera à son esprit? Et c'est l'esprit sera là. Les deux seront là, sont un. On appelle cela une fusion. Alors, à quel esprit on est relié? À travers toute cette mécanicité, il y a eu donc des résidus qui ont engendré les faisceaux, qui sont captifs à travers une courbure spatio-temporelle dans les contextes évolutionnaires et involutionnaires des systèmes humanitaires. La planète Terre est un exemple. Un monde expérientiel, un monde qui ne peut grimper que par accumulation d'énergie. L'accumulation d'énergie se fait par accumulation de récipients formiques, de formes, de mémoire. Donc, nous sommes un monde expérientiel en ce sens que nous ne pouvons comprendre que si nous expérimentons. Tant qu'on n'a pas un contact avec l'intelligence supramentale, l'intelligence instantanée avec l'esprit. Mais en attendant, pour arriver à grimper là, on doit accumuler de l'énergie. Cette énergie est accumulée dans le corps physique. Par évolution génétique, transmissible de père en fils, de mère en fille, etc. Et par aussi la création d'un double éthérique qui va être constitué par l'éthérification ou la supra-énergisation de l'âme à un moment donné de l'évolution de l'homme. En attendant, cette énergie gagne le monde de la mort, le ciel, et elle est restituée sous forme de réincarnation astrale, réincarnation amique, pluralitaire, de génération en génération, pour venir faire une liaison entre le corps physique et Dieu. La mémoire expérientielle du contact entre le corps physique et l'intelligence, l'âme, et l'intelligence, l'esprit. Maintenant, ce qu'on doit savoir, c'est que dans la fusion, dans cette mécanicité espritique planétaire, il y a, prenons l'exemple de 13 faisceaux, il y a un faisceau qui est un faisceau lazaréen, le faisceau du comte de Saint-Germain, c'est un faisceau extrêmement intelligent. Si on l'élimine, il reste 12 faisceaux majeurs. Il y a encore des faisceaux résiduels. Mais comment sont placés ces faisceaux physiquement par rapport à la planète? Est-ce que le premier est le plus proche, le deuxième est plus grand, le troisième, ou est-ce qu'ils sont désordonnés? Ou... Bon, on parle de faisceaux pour permettre à la structure psychologique de mieux paralléliser, de mieux faire, de faire des parallèles entre ce qu'il a en mémoire et ce qui est cosmiquement existentiel pour lui permettre une meilleure compréhension. Dans la réalité cosmique des choses, il n'y a pas de faisceaux. C'est-à-dire que nous sommes dans une brume d'énergie et nous avons la capacité d'absorber certaines vibrations de cette brume d'énergie. Ce que nous absorbons comme vibration est tributaire d'une coloration particulière de la vibration que nous pouvons appeler un faisceau ou un esprit. Mais en réalité, comme il n'y a pas de faisceau, c'est tout mélangé. C'est ça. C'est pas une projection comme un rayon laser qui descend quelque part. Et là, il y a un paquet de petits mélanges comme ça ici qui suit quand tu te promènes, puis ça se coupe sans se mélanger. C'est une brume. C'est un résidu. Mais le corps physique, la psychologie, la structure astrale, la structure psychologique, le système endocrinien permettant la perception émotive et l'expression émotive des conditions astrales font faire en sorte que l'humain va copier, capter certaines formes de coloration de l'énergie. On parle donc d'une forme d'esprit, d'une forme de faisceau. On a, par exemple... On pourrait donc dire qu'on est relié à une couleur, qu'on est... Oui. Qu'on ait une couleur au lieu de dire qu'on a un faisceau. Ça, ou on a un faisceau moins, un faisceau 2, un faisceau 3, ou un faisceau jaune, orange, vert, bleu, mauve, ou on a un esprit. Ça pourrait être un mélange de toutes sortes de couleurs, puis on capte le vert seulement dans ce mélange de couleurs. Théologiquement, on peut aussi parler, ce serait intéressant, si on veut aller plus loin, de prendre simplement la Bible, le Nouveau Testament, et de regarder comment un peu étaient les apôtres. Lorsque le Nazaréen est passé par là, il a ramassé 12 bonhommes. Il n'a pas pris de femme pour la simple raison que déjà, il était pour se faire crucifier. À l'époque, en plus, prétendre qu'une femme peut avoir d'intelligence, Et on y a coupé la tête bien avant. Il s'est fait crucifier plus jeune. Oui. La femme en avait, mais les hommes n'en avaient pas encore assez d'intelligence pour pas comprendre que la femme pouvait en avoir. Alors, il a pris 12 bonhommes. Ces 12 bonhommes-là, il les a choisis par rapport à leur faisceau. Il y en a un qui avait un faisceau bleu, il l'a ramassé. Un autre avait un faisceau vert, il l'a ramassé. Il les a baptisés, ça, on n'a pas le choix, parce qu'on sait que le baptême est une connexion à un égrégore archétypale, le nom. Alors, il leur a donné un nom. Est-ce qu'il y a un lien entre l'aura et le faisceau? La couleur de l'aura et le faisceau? Non, ça, c'est le corps physique, le corps astral, mais pas tellement avec le faisceau espritique qui va habiter ça. Autrement dit, on peut avoir un faisceau qui peut être assez Judas, et il va habiter un corps de colère. Le même faisceau Judas va habiter un corps de paix. L'aura va être une aura de paix, l'autre aura sera une aura de colère, mais on n'aura pas de... ce sera le même faisceau. Alors, si on étudie les apôtres, on aura une idée un peu de comment un faisceau peut être exprimé, mais il faut faire attention, c'est que les apôtres n'étaient pas des réceptacles parfaits. C'était des exemples de faisceaux qu'il y avait à l'époque. Il n'a pas pris ce qu'il y avait de mieux, il a pris ce qu'il y avait de premier. Mais il y en a pris 12. Il y avait 12 faisceaux. Le 13e, c'est le faisceau lazaréen, Lazare, qui a été son plus grand disciple et son meilleur ami. Et le sien. Et le sien, évidemment, donc 14 faisceaux. Le sien est résorbé. Lazare, ça va se faire dans les années à venir. Il restera donc 12 faisceaux, reliés à peu près 12 000 individus, ce qui donne approximativement 144 000 corps physiques. Les chiffres sont inexacts. On ira chercher 144 853 corps physiques à un moment donné, d'ici dans quelques années, disons d'ici quelques... On peut aller chercher dans les centaines d'années, il y aura ça de corps physiques sur le plan planétaire, c'est-à-dire que Dieu aura évolué à un point tel qu'il pourra commencer à se réchauffer, donc à se fusionner. Cela veut dire que les êtres humains vont commencer à se réincarner de plus en plus dans le même corps, et il y aura de moins en moins besoin de corps physiques pour supporter les expressions de ces faisceaux. Mais les seules réincarnations qu'on peut supporter sont-elles les réincarnations de la même couleur? Oui. Cela veut dire qu'un être humain, bon, savoir exactement... Si tu es relié au faisceau 8 ou 12, bon, qu'est-ce que ça change? Tu es relié au faisceau 4. Bon, puis maintenant, si on change un peu les choses, maintenant, le 4 est rendu le 8e. Tu es relié au faisceau 8. Bon. Quelqu'un veut dire, oui, mais est-ce que je suis relié au faisceau de Marc? De Pierre. On peut dire oui, tu es relié au faisceau de Pierre. Pierre, c'est un andouille, c'est une tapette. C'est un imbécile. Non, pas un... C'est un peu heureux. Mais ça, c'est l'expression du faisceau à travers Pierre. Alors, si je dis que tu es relié au faisceau de Pierre, eh bien, tu peux prétendre être comme l'histoire veut mettre Pierre. Pierre, c'est pas... Ah, c'est sur lui qu'on a bâti l'Église. Lui, il est en dessous. Tu te bâtis le reste par-dessus. Le dernier à voir le soleil. Pierre. Bon. Alors, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que le faisceau exprimé par Pierre ne donne pas la valeur énergétique intelligente, christique, supramentale, consciente de ce faisceau. L'humain est relié à des faisceaux différents. Maintenant, c'est évident que si on est de connivence, première fois que tu rencontres un être humain, puis on dirait que ça fait longtemps que vous vous connaissez, nécessairement, vous êtes frère ou sœur en esprit. Vous êtes relié au même esprit. Et ces deux faisceaux-là se vibrent. C'est évident qu'à la longue, à force de se connaître, on peut finir par plus être capable de se supporter. Mais là, c'est une guerre d'ego du point de vue de l'astral. Ça n'a plus rien à voir avec le phénomène énergétique, le phénomène espritique. Donc, le phénomène espritique, il serait présent surtout au premier contact avec une autre personne. Oui. C'est comme si on recherche, parce qu'on fait un titre comme à quoi, à quel esprit de vous relier. L'important, c'est de comprendre la mécanique de l'esprit. Quand on fait un titre comme ça, c'est pour attirer les gens, c'est évident. Si tu dis simplement, l'explication de la mécanique de l'esprit, ça ne sortira pas grand monde. Fait que là, tu mets à quel esprit de vous relier. Surtout à moins 18. Oui, quand tu fais froid même en plus. Bon. On est relié à de l'esprit. En réalité, le corps physique est relié à de l'esprit. Ce qui est important de bien cerner ce soir, c'est que les traditions n'ont pas menti. Dieu est dans le végétal, Dieu est dans le minéral. Dieu, c'est le corps. L'homme, c'est l'esprit. Le faisceau, c'est l'esprit. Si tu dis, est-ce que, bon, la matière, la chaise, c'est relié à un faisceau. Est-ce que les paresseux sont tous reliés au même faisceau que la chaise? C'est pour ça qu'ils s'assoient et ils sont bien. Non. Le faisceau qui est relié à certaines substances de drogue, va-t-il attirer les corps physiques reliés au même faisceau? Et c'est pourquoi on a des gens qui, disons génétiquement, énergétiquement, se droguent. Je prends de la drogue, je me sens que j'évolue. Est-ce que tu absorbes l'énergie de ton faisceau exprimé dans la drogue? C'est une bonne question qu'un jour, il faudrait qu'on me pose. Bon. L'alcoolique invétéré qui boit, est-ce qu'il est relié à un faisceau qui constitue l'alcool? C'est une bonne question. Et là, en le buvant, le corps physique ramasse de ce faisceau. C'est énergie. Est-ce que c'est ça? Non. C'est une bonne réponse. Oui. Donc, pourquoi il y a une assurance, c'est l'ego qui fait cette assurance-là ou c'est l'esprit? C'est pas l'esprit. De temps en temps, c'est l'esprit, évidemment. Mais ce que j'explique simplement, c'est qu'il y a il y aura des connivences au niveau espritique entre certaines choses. Mais qu'est-ce que l'esprit recherche? Est-ce que l'esprit recherche ça, de l'énergie, sa propre énergie, du même faisceau? L'esprit ne recherche, on pourra paramétrer des esprits, mais là, on laisse faire le numéro, le ci ou le cela. L'esprit recherche l'évolution du corps, l'évolution de Dieu. Bon. Il veut l'accélérer. Ouais. Maintenant, si tu es un individu qui est appelé à avoir de la richesse, ça, c'est un faisceau spritique particulier. Si tu es un individu appelé à être pauvre, tout ce que tu entreprends ne marche pas. Ça, c'est un faisceau spritique particulier. Est-ce que tu peux te dégager d'un faisceau spritique qui est pauvre? On reviendra. Celui qui est handicapé est relié à un faisceau spritique particulier, comme la majorité des personnes malades régulièrement. Relié à un faisceau spritique particulier. Hmm? Mais ça, c'est le corps physique? Absolument. Qui est handicapé, c'est pas l'esprit? Oui, l'esprit travaille le corps pour le faire évoluer. Mais lui, sa façon de le faire, c'est la maladie. Celui qui souffre régulièrement, tout le temps, psychologiquement, dépression, tout va bien, mais il n'est pas sûr. En tout cas, celui qui a une psychologie comme ça, il est relié à un esprit particulier. Mais si tu regardes les apôtres, tu peux aussi retrouver des traces. Je ne parle pas du peuple, là. Mm-hmm. Des traces, bon. Il y a, donc, des caractéristiques particulières des faisceaux. Maintenant, c'est bien évident qu'on peut poser la question, bon, tu poses la question, celui qui est toujours malade, il est relié à un esprit qui s'exprime, qui le fait évoluer par la maladie. Lui, il va toujours être malade. Oui. Toute sa vie. Toutes ses vies. Toutes ses vies. C'est bien pire. Toutes ses vies. Celui qui est riche, hélas, il sera riche toutes ses vies. Ça, c'est pas drôle, ça. Non, ça, c'est terrible. Celui qui est guerrier, il y a des gens qui, malgré l'évolution, ont besoin du combat. Que ce soit un art martial, que ce soit la chasse, le hockey, la boxe, la guerre. Il y a des gens qui en ont besoin, de la guerre. Mais dans ceux qui s'expriment par la guerre, il y a trois esprits qui s'expriment à travers cela. Il y en a un, lui, il peut se complaire du jeu d'échecs. Lui évolue dans la stratégie. Il fait évoluer le corps dans la stratégie. Un autre fait évoluer le corps dans l'aveuglement total, dans le défoncement. Physique, c'est le corps qui doit évoluer. Lui, c'est le gars qui part avec son fusil, puis il se met à crier, puis qui veut défoncer tous les barrages. Il y a souvent un éplat à force de rentrer dans un char d'assaut. Bon. Et on a un autre qui, lui, vit la guerre dans son trou, dans la peur, dans son abri. Ça peut être son abri nucléaire. Ça vit la guerre, t'es pas dans l'armée, mais t'as deux abris nucléaires, une à ton chalet, une chez vous. Ça peut être son salon aussi, puis entendre des bruits partout, puis avoir peur pour mourir. Pas pour mourir. Avoir peur? Oui. Alors, il y a donc des caractéristiques de la façon dont un esprit, l'homme, fait évoluer Dieu, son corps, pour permettre à ce Dieu, à ce corps, de finir par exprimer totalement l'esprit dans l'intelligence. Quand le corps physique est suffisamment solide, ce qui s'exprime par lui est de l'intelligence. Une intelligence qui sera de toute façon exprimée d'une façon particulière. L'intelligence d'un faisceau vert ne sera pas exprimée comme l'intelligence d'un faisceau jaune. Mais les deux, lorsqu'ils vont s'exprimer, n'importe quelle personne suffisamment en relation avec son esprit, avec l'intelligence supramentale, pourra dire qu'il parle différemment, mais il parle de la même chose. C'est intelligent. Bon, ça c'est une nuance qui est intéressante. La personne qui vit dans la pauvreté tout le temps, si son esprit mute le corps physique par la pauvreté, prenons l'exemple de François d'Assise, avec sa gang. Pauvreté totale, abstinence. Ceux qui ont parti l'ordre du temple, les chevaliers, avec leur bouclier, avec comme symbole un cheval, avec deux cavaliers, pauvreté. C'est un esprit particulier. Mais tu vas rentrer à un moment donné à l'église catholique romaine, tu vas voir plein de richesses, tu vas vomir dessus. Non, c'est l'autre esprit qui s'exprime par la richesse. évolue comme ça. Ce n'est pas sacrilège. Ce n'est pas péché. Ce n'est pas contre ceci ou cela. Il y en a qui n'ont rien à faire. Il y a un bonhomme qui a déjà vécu toute sa vie, d'ailleurs, maintenant il est extrêmement riche. Il voulait aller en Afrique, ça il tentait. Il ne savait pas comment. Il mettait ses mains dans ses poches trouées, puis il marchait sur le trottoir. Puis à un moment donné, il trouvait un billet. Regarde le billet, ça va à Nairobi. Aller-retour, un mois. Il a pris l'avion, de la Nairobi. Aller-retour, un mois. Toute sa vie, il l'a passé comme ça. Le gars veut vivre pauvre. C'est un esprit de richesse qui l'anime. Le gars va vivre riche. Maintenant, il est riche, il a fini par s'habituer, il n'a rien à faire. Mais on lui donne. Si tu es relié à un esprit riche, comment peux-tu être pauvre pendant, disons, les 40 premières années de ta vie, d'une vie, d'une certaine vie, puis être riche dans la deuxième partie? Pourquoi c'est pas égal? Ou être malade? Pourquoi devenir malade à 50 ans? Oui, celui, quand tu deviens malade à 50 ans, c'est le corps physique qui s'épuise. C'est pas ton esprit qui fait ça. Le corps en peut plus. Quand tu es malade tout le temps, c'est autre chose. Quand tu travailles toute ta vie, puis à la fin de ta vie, tu es riche, c'est pas un esprit ni de pauvreté ni de richesse. C'est un esprit d'animation. C'est celui qui travaille. Parce que tu sois jamais riche, tu travailles. Si tu es riche, tu travailles encore. Tu es millionnaire, tu travailles encore. Tu es 80 heures par semaine. C'est l'esprit qui s'exprime chez toi. Tu as un esprit de travail. Il y en a 12 sortes différentes. Tu as beau être riche, tu travailles pareil. C'est pas un esprit de richesse. L'esprit de richesse, t'as si, il fait rien. Il fume ses cigares. Tu peux être relié au faisceau de richesse, à l'esprit de richesse, puis être malade quand même. Absolument. Le corps physique est épuisé. Mais tu n'es pas, tu peux te guérir. Mais il y a des gens qui n'en sortiront pas. Sauf. Sauf, c'est intéressant. Une chance que sauf. Bon. On en parlera une autre fois. Comment, non? Bon. J'aimerais s'en parler. Mais parle-en. Si t'es relié, non, en entendre parler. Ah. Si t'es relié à un faisceau de maladie, c'est celui que je trouve le plus écœurant de ma façon de percevoir pour ça. Si tu nais, tu es né malade, puis tu vas mourir malade. Quand tu vas te réincarner, tu vas être encore malade, puis tu vas mourir malade, puis tu vas te réincarner. Il n'y a pas un moyen, à un moment donné, d'arrêter ça. Le premier ça. Moyen que l'intelligence a pensé, c'est de faire en sorte que quand tu reviens au monde, tu ne te rappelles pas de ta vie antérieure. C'est moins pire. Mais est-ce que cet esprit-là, de toute façon, à force d'évoluer, va finir par se rappeler lui aussi de sa dernière vie quand il va se réincarner? Un autre piège majeur, c'est qu'on te donne l'espoir. Puis là, ça te permet de supporter ta condition toute ta vie. Tu achètes des billets de loterie toute ta vie, toute ta vie, toute ta vie. Tu finances tous les riches qui gagnent. Tu es là, puis t'as envie de t'achètes, t'as l'espoir. Mais tu ne gagneras pas. Est-ce qu'il y a une façon de changer? Oui. L'intelligence, n'importe quel faisceau spiritique, est supramental. Donc, au-delà du mental. Il est extraterrestre, c'est-à-dire qu'il n'est pas rayonné par l'expérience planétaire. C'est une résultante exprimée par l'expérience galactique. Est-ce que le plan supramental est à l'extérieur des faisceaux? Absolument. À l'extérieur de la mécanicité planétaire, donc les faisceaux astrales. Mais c'est un faisceau supramental. Ce nuage d'esprit-là touche le plan supramental? C'est le plan supramental, mais tu as aussi un nuage d'âme, que certains appellent aussi les esprits, mais c'est de l'âme, qui est le nuage planétaire dans le monde de la mort, donc le ciel. Au-delà de ça, tu as le phénomène supramental. Quand un esprit, par la coloration astrale, oblige un corps physique à toujours être malade, ou à toujours être pauvre, ou à toujours être en colère, ou à toujours être en guerre, ou à toujours avoir peur, pour arriver à échapper à cette structure évolutive, ce qu'il faut faire, c'est de permettre à l'intelligence, donc il faut réchauffer une partie du corps physique, ou plus vite. Il faut permettre à une partie de Dieu, non pas sa globalité, d'évoluer plus rapidement. Pour que ça se réchauffe plus vite, quand c'est suffisamment réchauffé, lui, la partie réchauffée, va maintenant ajuster la descente du faisceau à l'intelligence du corps physique pour maintenant libérer, ou à l'intelligence de l'événementiel, pour libérer l'homme et le corps physique, donc Dieu, des mécaniques qu'il commence à trouver aberrantes. La pauvreté, la maladie, etc. Ça veut dire quoi? Tu es toujours malade. Qu'est-ce que tu dois évoluer? Guérir de ton eczéma. Guérir de ton ulcère que tu traînes depuis tout le temps. Guérir de ta grippe que tu as depuis 25 ans. C'est un phénomène de maladie. Non, pas ça que tu dois faire. Mais c'est ça qu'on va te demander de faire. C'est que Dieu, lui, veut faire évoluer le corps au complet ensemble. Il veut évoluer globalement. Alors, du moment que tu commences à saisir des choses, à comprendre, eh bien, tu décides de changer ton état d'alimentation, tu décides d'être un petit peu mieux, puis là, tu tombes malade. Tu tombes pas, mais tu deviens malade. Lorsque l'être humain veut faire convenablement, il doit décider de sauver une partie et de laisser faire le reste. Les parties à faire évoluer, c'est le système cérébral, neuronique et le système endocrinien. J'en parle souvent, mais c'est ça. Ça veut dire que tu es toujours pauvre. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'arranger pour échapper à l'illusion, au mensonge cosmique, à l'illusion du monde. Tu dois, comme je l'ai toujours dit, et ça revient à la même chose, être individuel dans ta conscience, fuir les images collectives, les archétypes. Tu dois abandonner aussi tout ce qui nourrit le corps. Ben. Ça veut dire que tu dois abandonner l'alimentation exagérée, autant que faire se peut. Si tu ne veux plus manger des choses comme tu en mangeais, et puis que maintenant tu dois lutter, puis lutter pour ne pas les manger, tu nourris le corps. Tu sécrètes émotivement. Ton cœur s'accélère, tu transpires, tu deviens maudit, tu deviens stressé. Tu nourris ton corps. Tu penses que tu ne manges pas. Tu nourris ton corps. Tu nourris en énergie. Tu nourris Dieu en énergie. Il ne faut pas faire ça. Celui qui fume se baisse en vibration. Il détruit le corps, donc il empêche Dieu d'évoluer. Mais celui qui dit, tiens, m'arrêter de fumer, il y a une guerre qui commence entre les deux. L'expérience astrale qui a besoin de se refaire nourrir par l'expérience de la cigarette et le corps physique. Alors, il y a donc une guerre. Tu ne fumes plus, tu, ça ne change rien, tu t'émolis autant fumer. Quand ce sera le temps d'arrêter, tu arrêteras. Alors, on doit s'arranger pour ne plus nourrir le corps physique. Ça veut dire qu'on doit échapper le plus rapidement possible à toutes les manipulations qui permettent une sécrétion endocrinienne, donc qui viennent animer ce que j'appelle l'antiope. Il faudrait arrêter de se choquer. Faudrait pas. Faut arrêter de se choquer. Faut arrêter de vivre trop de grandes extases. Faut éliminer le système émotif. Faut cesser d'être un dieu, dans le sens qu'on a vu ce soir, être un corps physique. Faut cesser d'être un corps physique. Un corps physique, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, quand l'œil perçoit un chien qui a une gueule ouverte avec les babines remontées puis des gros blancs sortis, qu'est-ce que l'œil fait? L'œil transmet au cerveau des choses, qui fait que le cerveau transmet au cœur, accélère le cave, tu te mets à avoir une dilatation pupillaire, et on appelle cela la peur, ça te permet de mieux voir ce qui va se passer. Il y a une sécrétion d'adrénaline, te permet de crier plus fort ou de te pousser plus vite. Il y a un paquet de stimuli. Le corps physique là, qui s'amuse. Oh, l'ego avec, l'ego, c'est l'âme, c'est une partie divine, un virus. Mais l'homme là-dedans, celui qui dit « Hey, c'est-tu niaiseux d'avoir peur? Je peux me pousser sans avoir peur. Je peux fermer la porte sans avoir peur. Je peux aussi remarquer qu'il y a une chaîne qui est attachée qui ne bougera pas sans avoir peur. Bordel! » Ben, c'est ça. Ça, c'est l'homme. La partie intelligente. Mais si tu coupes ces émotions-là, à ce moment-là, est-ce que tu peux changer ta longueur d'onde vibratoire? Non, tu restes sur le même faisceau. Non? Sauf que le faisceau n'est pas exprimé par l'évolution de Dieu totale. Il sera exprimé par l'évolution de Dieu, où Dieu est le plus évolué, le cerveau et le système endocrinien. Alors, à un moment donné, tu vas revoir ce chien et ça ne va rien te faire. Et là, maintenant que tu as un cerveau et un système endocrinien convenable, le chien ne pourra pas sentir l'expression sécrétatoire de ta peur. Alors, il ne sentira pas la peur chez toi. Alors, il va se poser des grosses questions. Parce que son onde de forme est bâtie pour que tu sécrètes. Alors, vu que lui, il devient tout ce qu'il faut pour que tu sécrètes puis que tu ne sécrètes pas, il ne sait plus à quel genre d'animal il a affaire. Il ne reconnaît pas. Alors, il a peur. Mais ça, est-ce que ça guérit ta maladie, celui qui était malade? Oui. Tu commences donc par être malade, tes orteils enflent, tu as des problèmes de foie, tu as des problèmes un peu partout, et tu évolues. Tu évolues neuroniquement, endocrinalement, tu y arrives avec des choses, et puis ça ne te dérange plus. Mais le corps continue d'être malade. On va dire que tu es nerveux. Tu n'es pas nerveux. Il y a une expression biologique. L'esprit, par ton corps physique, continue à le faire évoluer par la maladie. Mais de plus en plus, tu t'en fous d'être malade. Tu tolères. Tu n'as pas accepté comme ça les choses que tu ne pouvais changer. Tu tolères parce que ce n'est pas intelligent. Tu continues à parler, à lire, à t'instruire, à découvrir le monde, à cesser d'être happé par les manipulations, ça semble de l'extérieur, un éclair qui éclate dans le ciel qui fait que tu as peur. Bien, tu dis, mon ego a peur, Dieu a peut-être peur. Mais moi, je reste assis ici. Le corps se met à trembler. Oui, mais c'est pas toi, ça. Moi, j'ai pas peur. Le cœur pompe extrêmement vite. Je sécrète énormément. Oui, le corps a peur. Pas moi. Quand ça commence à sentir, tu finis de t'en aller? Ou? Non. Puis quand tu commences à dire, le corps a pas moi. Le problème, c'est que l'être humain s'identifiant à son corps va finir par penser que lui a peur. Mais l'esprit n'a pas peur. Elle fait travailler le corps. Lorsque tu résistes, tu endurcis, c'est-à-dire que tu renforcis les structures de perception et d'expression astrale de ton corps physique. Et à un moment donné, il y a de l'éclair et tu n'as plus peur. Tu es encore malade. Est-ce que dans tes prochaines vies, tu vas être moins malade ou autant malade, mais ça ne te dérange plus? Si tu fais cela convenablement, dans cette vie-ci, tu vas parvenir à la guérison. Parce que tu auras finalement un réceptacle, un système neuronique, un ajusteur de pensée suffisamment opérationnel pour que ce que l'esprit donne, lui, l'ajuste en fonction de l'intelligence décodée par le mental, de ce que devrait faire le corps physique. C'est inintelligent, inécologique d'être malade dans un monde planétaire. Très intelligent, très écologique dans un monde cosmique. De rendre un corps physique malade pour qu'il sécrète, de l'envoyer à guerre, de faire en sorte qu'il meure pour que toute la famille sécrète au coton, ça fait évoluer les corps physiques, donc Dieu. Génétique en génétique, de génération en génération, on finit par s'endurcir. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins de problèmes. On va souffrir. Prends un pygmée, mets-le dans la ville de Montréal, deux nuits, il vit pas, il passe pas à travers. Le stress engendré par ça, ça va le tuer, non, net. Prends un homme blanc, fous-le dans, en plein Amazonie ou en plein Nouvelle-Guinée. Il va broyer, il va crier, il mourra pas là-dedans. Après un mois, il va être pygmée, lui tout. Il est beaucoup plus évolué que le pygmée. Du point de vue de sa génétique, il peut en dire peu. Là, il y a un déphasement dans le changement. Mais à un moment donné, il va finir par s'adapter, il n'y a aucun problème. Quand il va revenir, tu peux trouver à dire, hey, quand on revient, là, on apprécie. Quand tu vas quelque part, tu chiales, mais après un bout de temps, tu t'adaptes. Mais le pygmée ne s'adaptera pas ici. Le corps physique ne peut pas supporter le klaxon, l'autobus, les bruits, le monde qui passe. Il voit les feuilles de même de temps en temps, lui. Mais le pygmée, il n'est pas rattaché à un faisceau, lui aussi? Absolument. Mais son corps physique n'est pas capable de supporter une ville comme la nôtre. Mais quand les faisceaux vont se résorber? Juste avant. Oui. Étant donné que tu développes ton système neuronique, ton système endocrinien, que tu es de moins en moins manipulable, que tu as un ajusteur de pensée de plus en plus irrationnel, tout ce que l'esprit maintenant te donne comme information va être décodé différemment et appliqué en fonction d'une perception mentale et ajusté par l'ajusteur de pensée de ce que doit être l'évolution de Dieu, du corps physique, dans le monde d'aujourd'hui. Maintenant que je ne me fais plus avoir par l'illusion, il devient logique d'être en santé. Et c'est là qu'une des choses que j'ai déjà dit dans le passé prend son importance, c'est que tu vas guérir si tu as une raison intelligente d'être en santé. Jamais si tu as une raison émotive. T'es écœuré d'être malade, pas une raison ça. T'es tanné, pas une raison. T'aimerais voyager, c'est émotif, pas une raison. Mais quand le mental, par l'ajusteur, va avoir une raison intelligente, instantanément, dans les mois qui vont suivre, le corps va se guérir. Tu as une raison intelligente d'être riche. Pas de problème. Mais si c'est l'ego qui joue la raison intelligente, une raison émotive, tu ne le seras pas, sauf si ton esprit est un esprit riche. Aucun problème. Alors, l'être humain va peu se sortir, même si tu es relié à un faisceau particulier, un faisceau où tu as toujours peur des guerres nucléaires, ou où tu as toujours peur que l'ennemi frappe à ta porte. Tu vas à la chasse, puis à un moment donné, « Oh, j'ai pas une orignale en arrière. » Tu as toujours peur de te faire ramasser des culottes à terre. C'est le même esprit. Tandis que l'autre, lui, il marche, puis à un moment donné, il entend un bruit, puis il se garoche à terre, trois ou quatre roulements sur lui, il place sa carabine, tablier, il va à la chasse, mais il a quand même son couteau Rambo, c'est bebel. Une autre forme d'esprit. Alors, si on peut, parce que si, mettons, que j'aurais une grosse moustache, je pourrais te dire que ceux qui jouent au hockey, eh bien, ils ont des grosses pads comme les chevaliers avaient à l'époque. Hein? Ils ont une armure sur eux autres. Le football, c'est la même chose. Et là, ils font des joutes. Les chevaliers qui se battent. Mais là, au lieu de courir après une veuve ou un orphelin, c'est une rondelle ou un ballon. T'as un kick aussi, puis tu tapes dedans, puis en tout cas, même chose. Il y a beaucoup de parallèles à faire entre les faisceaux. L'être humain s'en libère lorsque l'être humain veut, a la capacité biologique, donc bioneuronique, de comprendre qu'on doit fonctionner à partir de l'illusion. On doit observer que la réalité de l'illusion, elle est là. Et on doit maintenant arriver à décoder pour ne plus juxtaposer notre perception de la réalité à la perception émotive de la vie. Quand tu vas devenir un être-lumière, est-ce que tu deviens un être-lumière? Est-ce que tous les faisceaux vont devenir, tous les corps physiques vont devenir des êtres-lumière en même temps? Non. Lequel? Est-ce qu'il y a une ordre de priorité? Pas de priorité, mais il y a effectivement un ordre chronologique. De vibration? Il y a un ordre chronologique. Le plus vibrant va être le dernier à passer. C'est celui qui est le moins en contact avec son corps physique. Donc, celui qui passe en premier a un des faisceaux les plus bas présentement. Du point de vue extra-réactionnel, ils ont la même valeur énergétique. Mais il y a un ordre de croissance. Le plus fort, le plus puissant, va être le dernier à passer. C'est celui qui est le plus éloigné du corps physique. Et c'est aussi le dernier à s'être refusé. Ça fait partie, ça, de l'expérience créationnelle des végétaux, même des animaux. Alors, le faisceau le plus compréhensif de la structure animée, c'est le dernier. Le faisceau le plus proche du feu, des explosions volcaniques, des densifications, des orages électriques, le plus proche de cela, c'est le faisceau le plus évolué. Le plus évolué dans le sens expressif par le corps physique humain. C'est le plus bas, le plus dense, mais c'est le plus proche du corps physique de l'homme. Donc, c'est un des premiers qui va s'exprimer. Donc, ça veut dire qu'après que ce premier-là se soit résorbé, il n'y aurait plus de feu, il n'y aurait plus d'orage électrique? Il va toujours en avoir. S'il est résorbé, non. Je comprenais, fusionner avec un humain. S'il est résorbé, il n'a plus. Mais ils vont se résorber chronologiquement. Mais effectivement, donc, il y en a. Pas en même temps. Pas en même temps. Est-ce que ça sous-entend que le dernier à se résorber serait de la même, aurait le même esprit, la même énergie que la Terre, puisque la Terre non. aurait disparu? Non. La Terre pourrait-elle disparaître avant les derniers? Oui. C'est ce qui va arriver. Mais là, on se dit, oui, mais la Terre disparaît au complet, et nous, on marche sur quoi? Oui. Mais tu n'auras plus un corps physique comme le tien, non plus, il n'y a aucun problème. Là. On parle de résorption. Là. Il y aura une évolution, une explosion, il y aura une fusion entre les différentes mécanicités. Donc la planète pourrait disparaître n'importe quand dans C'est-à-dire que tout va redevenir de la brume à un moment donné. Alors, quand la brume s'en va, on parle de résorption, mais là, on parle de quelques milliards d'années d'ici. Mais la planète Terre ne disparaît pas à un moment donné, puis là, hop, on marche sur l'eau. Il y a avec l'eau, plus de terre. Hop, l'eau disparaît, on marche sur l'air, plus d'air. Non. Dans la chronologie des événements, quand les premiers seront fusionnés, les 12 autres, on a calculé 13, les 12 autres seront encore dans des corps physiques normaux? Non, normaux, oui, pour la normalité de l'époque, mais absolument pas normaux pour aujourd'hui, sur des corps de lumière. Prenons l'exemple. Le faisceau du Nazaréen se retire totalement. Qu'est-ce qui reste? Il reste des traces mémorielles. Donc, en partant, la structure peut se maintenir. Mais ça reste dans la même brume, mais c'est plus le faisceau. Mais il y a quand même des réminiscences de ce faisceau qui est la trace mémorielle entretenue par les religions. Lorsque les faisceaux vont se retirer, ça va se retirer un à la fois, c'est dans quelques temps, mais on ne sera pas en train de boire de l'eau encore à cette époque-là. On ne voyagera pas en avion à cette époque-là. Il n'y a rien de plus niaiseux. L'énergie de ton corps physique, elle existe partout sur la planète. Pourquoi faut que tu prennes la tienne et la transportes à Nairobi?